Galgos, par Claude Fay. Lévrier, Galgos, Podencos, chien des Reala. Vous êtes entraîné par les Galgueros en Espagne. Vous devez courir, tuer et rapporter le lièvre pour cette chasse qui s'ouvre au début du mois d'octobre jusqu'au premier dimanche de février. Votre vie est misérable, la plupart du temps enfermée, affamée dans les hangars ou des cages, attachée tout près du sol. Vous ne vivez que quelques années. À la fin de la saison, certains de vos propriétaires se débarrassent de vous et vous procurent, selon des traditions, une mort lente et cruelle qui consiste à vous pendre à des arbres ou à vous jeter dans des puits, à vous attacher à l'écart sans eau, sans nourriture. Lévrier, Galgos, Podencos, chien des Reala, parfois on vous croise errant dans les campagnes. Votre souffrance est un scandale. Votre malheur est si ancré que trop souvent l'espoir ne vient plus dans votre regard. J'ai tenté d'écrire dans une histoire de malédiction ce que vous subissez, ce crime peu commun. Vous seriez 50 000 à mourir chaque année. À chacun, je voudrais demander pardon pour tout ce mal qui vous est fait depuis des siècles au nom des traditions en Espagne et ailleurs. Je voudrais aussi souligner la bravoure et la ténacité de toutes les personnes qui vous viennent en aide, ouvrent des refuges, recherchent des adoptants et s'organisent pour faire cesser votre martyre. C'est arrivé au centre et au sud de l'Espagne par vagues successives. Des gens se sont mis en route avec une détermination bien précise. On les a vus monter les collines, descendre dans les plaines et longer le bord des rivières. Cette cohorte compte à présent 50 000 individus installés en ville, à la campagne et dans les villages. À quoi ça ressemble d'envahir la région et de courir partout à la recherche d'un contact avec la population? Est-ce encore un coup médiatique ou publicitaire du grand Cristobal? Ce géant fort en gueule qui s'y connaît en tradition et qui dirige avec le même entrain sa mégalomanie, ses chasses, ses élevages de lévriers dans de vieux hangars et toutes sortes de commerces. Cette nuée de jeunes gens est arrivée en bus, en train, en voiture de toute l'Europe, parlant un espagnol approximatif et joyeux. De toutes allures, de toutes couleurs, ils se sont mêlés à la population et en moins de 2 semaines, chacun dans son quotidien a eu affaire à eux. Logeant tantôt chez l'habitant, tantôt en camping-car, ils s'intéressent à tout, payent sans discuter et même sans jamais demander un quelconque avantage. S'ils écoutent de la musique, ils ne semblent pas rassemblés pour un festival à venir. Cristobal, ça l'a d'abord fait rigoler, qu'il ne quémande rien, et puis d'un coup, quand il a compris qu'il venait de toute l'Europe pour sauver les lévriers, ça lui a chauffé le sang. Ce grand leader a fait le tour de son fief en gueulant qu'il fallait traiter cette invasion de cinglés exactement comme en Chine dans les années 60. On avait détruit les moineaux en faisant du bruit pour qu'ils ne puissent plus se poser et que du ciel, ils tombent morts. Chacun de ses employés a donc reçu l'ordre d'épuiser ces nuisibles, de les faire décamper. Lui, de son côté, s'est dit qu'il saurait bien trouver le moyen de museler ces illuminés. Et puis, il s'est calmé en pensant que dans le pays, personne n'oserait témoigner. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les riverains des hangars, les habitants des campagnes ont parlé. Est-ce la présence de ces drôles de zèbres qui a encouragé cette parole? On peut le penser. Au fil des semaines, partout, ces gars, ces filles montrent des photos de lévriers suppliciés, pendus ou jetés dans les puits, et affirment que ce n'est pas bien, avec une évidence désarmante. Ils parlent de sauvetage, simplement, un peu comme on dirait qu'il y a une joie à faire le bien. Leur rhétorique est jolie. Ils parlent du côté de l'amour et de la vie comme on choisit la chance. Ils assurent aussi que les animaux connaissent l'enfer quand on les torture et l'apaisement quand on les soigne. Voilà qu'autour de cette parole, les propos changent. Les visages mutiques se détendent. Alors, le Cristobal pâlit, et tous les Galgueros se gaussent moins des aristocratiques silhouettes des chiens qu'ils affament. On dirait même qu'ils s'attardent moins sur les marchés. Mais alors, le prestige du grand Cristobal, son goût de la tradition, qu'est-ce que ça va devenir? Maintenant que les autochtones se sont laissés approcher, que va-t-il se passer? Car les gens sont curieux. Ils regardent les installations. En effet, un peu partout, les militants déballent sur des tables à tréteaux, des brochures, des autocollants et puis des drôles de vêtements. Certains ont même été attirés par ce bazar, comme Inès sur le marché de son village. « Oula, qu'est-ce que c'est que cette petite chose sur la table ?» demande la curieuse. « Il fait froid en ce moment, » lui a répondu un homme en s'amusant du petit nuage produit par son souffle. « Oui, c'est glacial. »« Le jaune jonquille est joli, vous le vendez ?»« Pas vraiment. » Chacun donne s'il veut, et ce que l'on recommande évidemment, c'est de le faire porter à ses oubliés de l'histoire et d'en parler. Qu'est-ce que c'est? Un manteau? Pour? Pour les Pokémos et les Galgos, souvent ils n'ont que la peau sur les os. C'est dur avec ce froid. Ah, vous pensez à eux ? Suivit un rire gêné. Nous, on est habitués, puis on ne les voit pas beaucoup, vous savez. C'est grand, la campagne. Oui, ils sont invisibles. C'est même pour ça qu'on est là. Non, je veux dire, vous ne les verrez pas, parce qu'ils vivent dans des corrales ou des hangars. Oui, parqués et attachés avec une espérance de vie de 3 à 5 ans. J'ignorais qu'ils mouraient jeunes. Ils ont souvent l'air si vieux. Ce genre de dialogue se multiplie. De plus en plus de gens s'approchent des petits stands. Ce sont des cols roulés, des plastrons. C'est surtout un tissu bien chaud. Mais comment ça se porte ? C'est pour isoler le dos. De qui ? Des galgos. Et on en a aussi des plus grands. Au fait, les galgos sont des canidés. Mais bon, ils ont froid comme les chiens. Certaines personnes gardent une résistance et demandent par exemple. C'est un peu artisanal, tous ces objets. Ce sont des bénévoles qui les font. Oui, c'est vraiment très utile, répondent toutes ces belles personnes. Les phrases se répètent donc et ne tombent jamais dans le vide, car ces jeunes rattrapent toutes les chutes. Alors se créent des liens qui soutiennent les interrogations et les consciences s'éveillent à la vie et à l'évidence. Progressivement, l'envie de sauver ces animaux devient contagieuse. Le temps passe. De marché en marché, la fin de la période de chasse arrive. Ce moment attendu chez les Galgueros, où certains choisissent de punir leurs galgos et leurs chiens, qui en ne courant pas assez vite, ou moins bien que ceux d'un autre chasseur, ou encore en ne portant pas la proie comme il convient, les ont humiliés. Dans la palette traditionnelle, il y a toutes sortes de tortures lentes. Rationnellement, cela fait aussi une gueule de moins à nourrir, mais misérablement, même si on est riche. C'est une réalité qui se tient difficilement dans les esprits. Dans le centre et le sud de l'Espagne, ça se relègue dans l'arrière-boutique de chaque tête. Personne n'a envie d'être au contact avec ces histoires. Les suiveurs et les chasseurs font peur et font croire qu'ils sont intouchables. Qui pourrait avoir le culot de combattre des traditions dont certaines remontent au XVIe siècle ? Cristobal vous parle de ça sans broncher, en attachant des animaux squelettiques à l'arrière de son automobile afin de sélectionner ceux qui n'arrivent pas à courir assez vite et qui mourront. Il faut dire qu'il instruit avec prestance. Et puis il a encore un soutien. Malgré sa présence tranquille et évidente, la presse locale ne révèle pas non plus la puissance de cette vague de militants, encore moins leur nombre, même approximatif. Ces sauveurs, lorsqu'on leur demande, répondent à l'unisson qu'ils sont 50 000, exactement comme ces martyrs chaque année. Inès, la trentaine engagée, les a bien remarqués. Elle était une des premières à les écouter. Leur parole a tout de suite suscité son intérêt. La vie est rude pour tous. Depuis quelques années, elle travaille certains jours chez le conquistador. Elle s'occupe de beaucoup de choses et jusque-là, pour ne pas s'effrayer, n'a pas trop cherché à savoir ce qu'il fait de tous ces objets. Voilà qu'une fin d'après-midi, Blanca, la toute jeune épouse neurasthénique de ce grand chef, lui demande de porter à réparer une des paires de bottes de chasse dans un village voisin. Ce sont des pièces rares à tige haute, doublées en cuir, qu'il chausse par temps froid quand il poste pour le gros gibier. Madame n'a ni la force ni l'envie de faire la route et dédaigne tout ce qui a trait à la chasse. Notre Inès accepte. Elle aime sortir de cette immense maison et les déplacements en deux roues, elle adore. Elle démarre à fond avec ses longs cheveux volants autour de son casque. En chemin, à un passage à niveau, elle arrive juste au moment où le train disparaît. Au moment de repartir, ce qu'elle voit la terrifie. Par réflexe, elle détourne le regard. Puis, chancelante, elle parvient à descendre de son scooter pour s'approcher lentement de ce qui gît par terre. Un lévrier, presque coupé en deux. Il est mort, mais sa tête bouge encore, attachée sur la voie ferrée avec une corde. Pauvre galgo, comme il a dû avoir peur, comme il a dû souffrir. On ne peut plus rien pour lui. Inès se liquéfie, gémit, se tord les mains, s'agite. Elle défait son casque, laisse flotter au vent sa chevelure, les pans de son manteau, et fume plusieurs cigarettes. La maigreur du chien rend l'amas de son corps comme un assemblage de lignes brisées, sans chair. Saisie par un mouvement de révolte, elle va couper la corde, libérant ainsi la dépouille du rail. Puis, court chercher dans son coffre la boîte de bottes. Elle les enlève de leur carton pour y déposer délicatement le pauvre animal encore chaud et lui donne une caresse, la seule peut-être qu'il aura reçue. Malgré le vent, elle parvient à fumer quelques cigarettes écœurantes, puis repart avec l'idée de l'enterrer dès qu'elle trouvera un endroit. Son scooter est bien pesant, son cœur aussi. Des sentiments de honte se mêlent à ce chagrin et à cette colère. Pourquoi ces supplices ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tradition ? Progressivement, une autre question surgit. Que faire du morceau de corde qui maintenait l'animal attaché sur la voie pour que le train l'écrase? Elle ne s'imagine pas l'enterrer avec et roule de plus en plus vite. Passant devant un bouquet d'arbres, elle réussit tout de même à ralentir. Le vent est tombé, on voit la plaine, ce sera ici. Elle sort la boîte du coffre de son scooter et remarque qu'elle ressent cette inquiétante impression qui vous envahit parfois à l'annonce d'un changement. Mettre ce malheur en terre. Rien à faire, elle n'a pas la force, elle ne pourra pas se séparer du cadavre de cette pauvre bête, et se sent obligée de repartir. Sur la route sinueuse, il lui semble qu'elle va un peu trop vite, comme si on la poussait dans le dos. Elle a même du mal à s'arrêter à nouveau, cette fois bien décidée à enterrer le corps au pied d'un autre bosquet. Elle pleure. Ayant creusé un carré de terre suffisamment grand au moment de la déposer, dans le besoin de faire une ultime caresse à ce pauvre animal, elle entrouvre cette boîte. C'est alors qu'à la place du cadavre, elle croit voir un objet qui ressemble à une pierre plate, représentant un galgo avec la tête baissée, une image simple où des yeux tristes implorent. Cette vision la fait hurler. Elle referme précipitamment cette boîte, puis se dit qu'elle va renoncer à tout, rentrer chez elle. Plus envie de fumer, de rouler, ni tout ça. Elle se demande si elle devient folle. Pourtant, le soir, dans sa maison, elle soulève à nouveau le couvercle pour y découvrir, avec stupéfaction, encore autre chose. Cette fois, elle voit un collier rouge de lévrier. Elle ose le saisir avant de fermer cette urne qu'elle porte solennellement dans la cheminée. Une odeur d'enfer lui fait quitter la pièce. Elle s'interroge en pleurant. Comment comprendre ce qui a pu se passer? Ce collier paraît neuf. Aurait-il été moins étrange s'il avait été usagé? L'aurait-il laissé moins seul? La marque d'un corps portant à sa manière l'effort de ses jours et de ses avancées n'aurait pourtant pas été moins scandaleuse. L'absence du cadavre est une énigme, cet objet de remplacement aussi, mais ce qui est bizarre ne doit pas faire oublier l'essentiel. S'il y a une vérité, on doit avoir le courage de l'exposer par sa propre conduite. Elle se demande comment dénoncer ce scandale. Ce martyr des lévriers est une monstruosité. Ce ne doit plus être un secret. Ils ont raison, tous ces militants, il faut les aider. Je vais porter ce pauvre collier et j'irai les rejoindre. Cette idée la calme, mais elle continue de pleurer. Le lendemain, à son réveil, à son bras, le collier est devenu un bracelet. Le devoir de le porter et d'exposer sa cause est maintenant une évidence. Après cet événement, dès qu'elle le peut, elle se rend dans le grand café de la petite ville. C'est le premier commerce qu'a tenu le grand Cristobal. Il y est souvent, et impose habituellement à son épouse de rester assise, posée près de la caisse. Mais il n'a pas l'air d'être là. Elle s'installe au bar, commande un verre et cherche du regard s'il ne voit pas un des militants. La main posée sur son bracelet rouge à la valeur inestimable, elle songe et s'impatiente. Dès que Miguel, le serveur, s'approche, elle lui demande « Vous les avez vus ce matin ?»« Les militants ?»« Pas encore. Ils vont venir ici pour... »« Pour ?»« Qu'est-ce que tu bois ? Un autre jus ?»« Je veux bien, en attendant. » L'établissement est la marque de réussite du grand Cristobal. C'est aussi le seul bar du village. Tout le monde y vient. Tout y est vaste, avec des pampilles et puis des miroirs pour se voir à l'infini. Soudain, elle repère dans cette galerie des glaces des piles de grandes boîtes posées sur un tapis. Son air surpris amuse le garçon qui lui lance. « Ce n'est pas courant du matériel comme ça dans la région. Qu'est-ce que c'est ?»« Des couvertures, de la nourriture. C'est l'apprenti qui a organisé la collecte. C'est pour soigner les bêtes qui sont récupérées. Beaucoup viennent du corral du boss et sont sérieusement amochés. Ce n'est pas beau à voir. Le vétérinaire va même passer prendre ce qu'il lui faut. S'il voyait ça, le chef, il serait fou. Le patron n'est pas là. Tu n'es pas au courant. De quoi? Qu'il est devenu complètement zinzin. Pardon, il ne faut pas que je crie, sa femme est là. Mais elle, maintenant, elle peut nous parler, et c'est elle qui a donné les informations pour que les gens aillent sortir les lévriers. Ils vont être sauvés. On se démène pour ça. Formidable. Et le Cristobal, il ne va pas empêcher les choses? La semaine dernière, il est revenu d'une sortie, hurlant, tremblant de peur, et répétant qu'à un passage à niveau, il avait vu un monstre sans visage avec des tentacules qui jetaient partout des bottes. Et depuis, il ne se comprend plus lui-même. « Ah, les bottes, je les ai complètement oubliées, » se dit Inès. À y réfléchir, elle pense qu'effectivement le grand Cristobal aurait pu l'observer. Oui, quelque chose comme ça. Il avait attaché l'animal, s'était mis à l'écart pour profiter de son crime, et entre-temps elle est arrivée, a emmené le pauvre corps et a laissé les bottes. Elle laisse échapper. C'est pour lui la possession démoniaque. C'est bien à son tour d'être terrifié. C'est moi, le monstre, mon casque, mes cheveux, je leur ai fait peur. Qu'est-ce que tu dis, Inès? Je réfléchis. Autour d'eux, en s'affaire, l'ambiance est naturellement solidaire. « Miguel !» crie un employé à un autre. « Comment on va dire au patron ?»« Je te dis que le chef ne parle plus. Faut pas aller le chercher. Il jette des pierres comme un tout petit enfant. Demande à la patronne si tu as besoin de quelque chose. »« Ah, comment on s'organise pour prévenir les associations ?» demande Blanca, qui se trouve là, en effet, et qui semble disposée à tout entendre sereinement. Inès sourit et salue Blanca, qui se déplace pleine d'énergie, et lui dit « Dites à votre mari, madame, qu'il a raison d'avoir peur du monstre. Il m'est arrivé une histoire bizarre aussi. Ah, vous êtes au courant ?»« Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a dans la campagne un monstre qui pourchasse les chasseurs. Il faut être prudent. »« Sûrement !» s'exclame Blanca, qui ajoute « Maintenant, Inès, avec tout ce changement, qu'est-ce que vous allez faire ?» « Moi, c'est décidé, je vais aller sur les marchés pour fabriquer et vendre des objets comme mon bracelet. C'est fantastique la venue de ces gens, ça change l'atmosphère. J'ai envie de m'occuper des galgos, des podencos. J'aime les chats, les chiens, alors. On dit que les lévriers ont la grâce des deux, je veillerai sur eux. À vous aussi, Inès, je souhaite bonne chance. » Mais au moment où il se dirige vers la sortie du bar, voilà la patronne qui lui fait signe que quelque chose remue derrière les plantes dans la jardinière. Par prudence, chacun s'immobilise, seule la femme du conquistador se déplace sur la pointe des pieds. Dans l'opulence végétale, on discerne les bottes en plastique verte, un cul, un bout de dos et le haut de la plume du chapeau. Le reste est dissimulé par les feuilles, plus rien ne bouge. « On vous voit. »« Hot. » !»« On vous voit, Cristobal. Discutons entre adultes, s'il vous plaît. » Suit un grognement d'abord, puis « Hyper. Hot. » »« Il faut faire des phrases avec un début, au moins un début. » Hot. » On ne comprend pas. Et... Chacun voit la verdure s'agiter, puis le nez de ce fort engueule émerger d'entre les feuilles. Sa présence, même partielle, ne peut que faire peur. Ses colères sont terribles, et chacun les craint. Tout doucement, on le voit aplatir d'une main molle une branche qui dégage son visage réjoui, comme celui d'un bébé après un bon jeu de cache-cache. Personne n'ose s'approcher, sauf Blanca, car on dirait qu'il a quelque chose dans l'autre main derrière son dos. « Mais vous en avez une jolie plume à votre chapeau, c'est de la bécasse » roucoule-t-elle en minaudant pour l'apaiser. Au bout du compliment, il rit parce que c'est drôle d'entendre prononcer ce mot « bécasse » quand on est entouré de femmes. C'est une blague qui l'a toujours mis de bonne humeur. Il s'est rassis. La sienne chuchote maintenant à l'adresse de tout le personnel. « Comme si de rien n'était. Faites ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur, ce qu'il tient, je le vois bien, c'est un faux fusil. Il n'y a plus rien à craindre. » Ça fait même drôle de ne plus avoir peur de lui. Tout le monde recommence à circuler. Elle-même prend un café près d'une baie vitrée et sourit à la vue d'un groupe de très beaux gars avec des cheveux qui brillent au soleil. « Voulez-vous qu'on vous ramène ensuite, madame ?» lui propose un des serveurs. « Ensuite de quoi ?» se trouble-t-elle un peu rosie et gênée. « Eh bien, du vétérinaire. Il pourrait regarder votre mari. Là, ça va, il s'est recouché derrière la plante, mais... Ne vous en faites pas. » Depuis qu'il a été foudroyé par la peur, il est totalement inoffensif. J'en ai fait l'expérience, croyez-moi. Et puis ses parents ont proposé de venir le chercher tout à l'heure. Il ne fera plus de mal à personne. Au même moment, un petit groupe de militants déboule dans l'établissement et interpelle. On passe pour les clés du dernier hangar, celui des chiots. Quelqu'un sait quelque chose? Ça y est, je les ai trouvés, clame madame triomphante. Formidable. Vous venez avec nous pour les sauver? Oui, oui, les couvertures sont prêtes. On y va. Ainsi s'achève Galgos par Claude Fée.